Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 11e numéro de Comic Stories, le mag. Cette semaine, comme chaque semaine, nous allons revenir sur toutes les news concernant les comics, que ce soit en VO ou en VF, avec pas mal d'annonces, notamment du côté de la VF cette semaine. Gros programme de sortie en français, quelques-unes en VO. On va revenir sur tout ça durant cette émission. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 11e épisode de Comic Stories, le mag. Et cette semaine avec moi, Arnaud. Salut. Et le retour de Byron. Salut. On va commencer avec les news VF, comme de coutume. On va commencer avec Panini Comics. Et Panini Comics qui, on le sait, va proposer une tripotée de couvertures variantes pour le Star Wars numéro 1 qui va sortir lors du fameux Star Wars Day. Donc bah, toutes ces couvertures ont été diffusées. Les 11 fameuses couvertures variantes qui vont sortir partout en kiosque et en librairie, dont la couverture Scotty Young qui sera uniquement dans ce fameux coffret qui va regrouper les 11 covers et qui coûtera 75$. Mais il y a aussi une nouveauté, puisqu'on nous a annoncé qu'il y allait y avoir en plus de ça des covers exclusives, un peu comme Marvel le fait parfois aux États-Unis ou d'autres éditeurs, hein, avec des couvertures exclusives à certaines boutiques qui achètent beaucoup d'un certain titre et qui du coup gagnent le droit d'avoir une couverture dessinée rien que pour eux. Ben, ça va être le cas. Pour la Fnac, par exemple, il y aura une variante cover spéciale Fnac qui sera tirée à 1200 exemplaires, une variante cover La Grande Récré à 1200 exemplaires, une variante cover Canal BD à 1000 exemplaires, et puis une autre qui sera une variante cover Génération Star Wars et science-fiction, Science-Fi, qui sera vendue en avant-première, ce sera quelques jours avant la sortie. Il sera tiré à 1000 exemplaires et qui sera donc vendu sur une convention. C'est une variante cover exceptionnelle pour la convention Génération Star Wars. Donc ben voilà, ça porte du coup maintenant le nombre de couvertures à 15. Rien que ça. Ça fait beaucoup, sachant déjà le nombre de titres qu'il y a quand même. Oui, là, c'est vraiment... Bon, là, ça devient un peu n'importe quoi. En même temps, Marvel en avait fait plus de 50, hein, donc... Ils ont de la marge. Donc voilà, il reste assez. Mais c'est la première fois, c'est vrai qu'il y a une telle opération. On a eu des couvertures variantes du côté de chez Panini. Urban aussi le fait à l'occasion. On a eu des titres qui sont sortis au plus que je sache à 4 exemples, 4 couvertures différentes. C'était Infinity numéro 1, qui était sorti en 4 couvertures différentes. Mais ils étaient tous à 2 euros, sauf celle du coffret qui était à 20 euros. Mais là, du coup, on Ouais. est dans 15 couvertures, du coup, si on les veut toutes, dont une où il faudra débourser 75 euros pour l'avoir. Donc voilà, si. Panini s'engouffre dans une mode que voilà, j'aime pas trop. Mais bon. Bah autant du côté de Sherman, c'est vraiment Très ouais, exceptionnel. c'est très exceptionnel quoi, et du coup ben en fait tout le monde l'achète, mais enfin ça reste vraiment comme tu l'as dit, c'est exceptionnel, alors que là enfin je sais pas si c'est le bon truc à faire quoi. En tout cas, Star Wars est populaire, ils comptent bien surfer là-dessus. Si ça marche, tant mieux pour eux, hein. Après tout, s'il y a des pigeons, j'ai envie de dire. C'est bien, hein. Parce que s'ils font ça, c'est qu'ils savent qu'ils vont les vendre et qu'ils vont ramasser de l'argent là-dessus. Donc à la rigueur, ils font plaisir à un public de fans hardcore qui vont être super contents d'avoir toutes ces couvertures. Bah, écoutez, très bien pour eux. Moi, je passe. Panini a diffusé la checklist de juin, comme de coutume autour du 10 du mois. Et alors, bon, on va d'abord prendre 2 secondes pour revenir sur quelque chose dans cette checklist. Spider-Verse commence, partie 1 sur 4, le 2 juin. Jusque-là, tout va bien. Et puis au mois de juin, il nous propose également Edge of Spider-Verse, qui est un prélude à Spider-Verse, le 16. Tout va bien. Bravo. Donc en gros, on achète le magazine le 2 et puis on attend 15 jours pour le lire parce qu'on a envie de lire ce qui se passe avant. Comment ça se passe? Donc bah voilà, Panini fait du Panini, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a également? On a quand même des choses intéressantes, hein, en dehors de cette bourde qui est plus drôle qu'autre chose. On a Avengers Now, le magazine numéro 1 qui sort, donc avec Superior Iron Man, la nouvelle Thor qui débarque en kiosque, le All New Captain America. Et puis on a le nouveau magazine Shield également, avec la série Shield, et puis Opération Sin qui met en scène Peggy Carter. Puis qu'est-ce qu'on a également? Le dernier numéro de Wolverine, puisqu'il sera mort après ça. Et puis quoi d'autre? Pas grand-chose de super passionnant. Axis qui continue. Et puis en librairie, Daredevil, le tome 2 en 100% Marvel. Le dernier tome d'Hawkeye. Troisième tome de Miracle Man. Et puis après, pour le reste, bah, un peu de Marvel Now. Notamment du New Avengers, du Uncanny X-Men. Et puis voilà, un Deluxe sur Shadowland, sur Daredevil, qui méritait pas un Deluxe pour moi. Mais voilà pour cette checklist du mois de juin. peu dans la continuité des mois précédents. Allez Arnaud, tu vas cette fois prendre la main sur Panini et nous parler d'une promo. Oui, alors une promo qui est valable jusqu'au 14 avril, donc aujourd'hui même, pour ceux qui l'écouteront. C'est les 3 tomes d'Harbinger et Harbinger Wars qui passent à 2,99€ au lieu d'une dizaine d'euros sur toutes les plateformes numériques, donc c'est-à-dire Amazon, Fnac et Comixology. Donc c'est l'occasion de découvrir l'univers de Valiant à un prix imbattable. Byron, des annonces pour juillet et août? Oui, puisque c'est les tomes 2 du All New Marvel Now qui vont sortir chez Panini. Alors on va retrouver le tome 2 du coup de Moon Knight et de Silver Surfer. Et les deux en août, les deux derniers tomes de Ghost Rider. Ouais. C'est une série qui s'était donc arrêtée. Et les deux premiers tomes, à savoir Moon Knight et Silver Surfer, sortiront en juillet. Exactement. Et puis toujours cet été et en deluxe cette fois, Arnaud. C'est en juin le premier tome des New Avengers, l'âge des héros. Ensuite, en juillet, c'est le run de Kieron Gillen sur Thor, avec notamment Ragnarok, ce qui va rappeler des souvenirs à ceux qui sont intéressés à la phase 3 de Marvel Studios. Mm-hmm. Et en août, la fin d'Ultimate X-Men, avec le 9e et dernier tome. Exactement. Et puis, bah, tu vas continuer Arnaud, puisque tu as une news du côté de chez Glénat Comics, puisque c'est un peu la semaine Glénat cette semaine, donc forcément, ils font l'actualité. Ils font les choses en grand, ils ont ramené un auteur, Chips Darsky, pour sa série Sex Criminals. Et donc, il sera à Paris le mercredi 15 avril pour des dédicaces. Alors, une dédicace de 13h à 16h à Pulp Comics et de 17h à 19h chez Apocalypse Comics. Voilà, donc Pulp dans le 5e arrondissement et Apocalypse dans le 17e, pour ceux qui auraient un peu de difficulté à les situer. N'hésitez pas à aller rencontrer Chips Darsky, hein, qui est donc sur Sex Criminals, mais aussi maintenant sur Howard the Duck, hein, qu'il dédicacera également à cette occasion. Et puis pour terminer cette partie News VF, Urban Comics a sorti un nouveau guide. Alors je ne sais pas si vous étiez passé à côté des précédents ou pas, ou si vous les étiez procurés. Ils avaient sorti, alors il y a 2 ans, un guide sur Vertigo, avec un peu un guide des grandes séries Vertigo, présentation de la série, des auteurs, etc. Combien de tomes ils allaient faire sur cette série. Ils en avaient profité pour annoncer des séries qu'ils allaient sortir dans l'année à venir, etc. Donc ouais, ils avaient tout un guide sur Vertigo qui était très bien foutu. L'année dernière, ils avaient sorti en fin d'année un guide sur les super-héros DC. Donc pareil, hein, tout ce qu'ils avaient déjà sorti et certaines choses qu'ils prévoyaient de sortir pour faire un gros guide comme ça. Et ils ont renouvelé l'opération puisqu'ils ont sorti la semaine dernière un guide qui s'appelle Urban Indies, tout l'ADN du comics. C'est un guide qui fait 192 pages, qui reprend tous les titres de la gamme Urban Indies, et déjà édité, et aussi à venir dans les prochains mois. Donc l'occasion de découvrir des pages preview, des présentations de la série, le synopsis, les artistes, etc. Enfin voilà, comme il avait fait les deux précédents. C'est là aussi, encore une fois, un guide gratuit, qu'on peut télécharger directement sur le site d'Urban en PDF, ou qu'on peut même se procurer en librairie, un peu partout en France, hein, toutes les librairies qui vendent de la BD ont possibilité de l'avoir, donc n'hésitez pas à aller contacter votre libraire et de récupérer... pour récupérer ce guide, parce qu'il est franchement bien foutu. Voilà pour les news VF, on va maintenant passer à la sélection VF, la sélection des sorties de cette semaine. Donc on va pas faire toutes les sorties de la semaine, on a fait un tri. Et Arnaud, tu vas commencer avec évidemment l'événement de la semaine. Oui, c'est les sorties de Glénat Comics. Donc d'abord le tome 1 de Drifters, d'Ivan Brandon et Nick Lane. Donc pour 14,95€, le tome 1 de Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark, dont on parle samedi prochain dans la Padawan édition. Mm-hmm. Le tome 1 de Sex Criminals, donc de Matt Fraction et Chips Darsky, pour 19,95€ celui-ci. Et c'est tout. Ouais. C'est alors, déjà pas mal. Juste comme j'ai les bouquins, ce sont des formats agrandis. C'est-à-dire que Lazarus et Drifter sont au format... le grand format urbain, c'est-à-dire le format de Saga et compagnie, et Sex Criminals, c'est aussi pour ça qu'il coûte 19,95€, il est encore plus grand, il a carrément la taille d'une bande dessinée classique. Donc voilà, ne soyez pas surpris si ça vous paraît un peu grand, c'est normal. En tout cas, les bouquins sont super classe, super bien édités, la couverture est super belle, le dos est super joli. Vous allez reconnaître de loin ceci, croyez-moi. Allez, on va enchaîner avec les autres sorties. Panini pour commencer, Byron. Oui. Puisque Panini va éditer le tome 1 des New Avengers, qui est écrit par Jonathan Hickman, mm-hmm, et dessiné par Steve Epting, Il contiendra les épisodes américains des New Avengers du Marvel Now, il me semble, et ça regroupe les épisodes 1 à 6. Et le prix est de 15 euros. Voilà, c'est ça. Cette semaine également chez Panini, l'anthologie, la Marvel anthologie Nous sommes les Avengers, évidemment. Le film sort dans une semaine, donc Panini propose une anthologie sur les Avengers avec les grandes histoires qui ont marqué toute l'épopée des Avengers depuis leur création par Stan Lee. Donc ça coûte 22 euros pour 288 pages, c'est pas hyper cher. Maintenant, voilà, à voir est-ce qu'ils vont continuer dans la bêtise de l'édition Spider-Man et X-Men avec à nous mettre des histoires sans séparation, sans couverture, voilà, qui passent d'une page à l'autre sans même qu'on nous prévienne qu'on change d'époque et d'auteur, ou est-ce qu'enfin ils vont bien faire les choses et proposer un beau bouquin. Voilà, c'est quelque chose à surveiller en tout cas, et si ce bouquin est fait de manière correcte, etc., je serai le premier à le dire et à féliciter Panini et voilà, et à promouvoir ce bouquin. Pour le moment, on attend de voir. Et puis Arnaud, toujours chez Panini, toujours le 15 avril. Ouais, on en parlait au début. Au mois de juin sort la série Thor avec la Thor féminine en kiosque. Et du coup, Panini poursuit en la série précédente, disons en librairie. Donc c'est le deuxième tome de Thor par Jason Aaron et Saad Ribic et Butch Guice, qui regroupe les épisodes Thor, God of Thunder 6 et 11. Donc 144 pages pour 15 euros. Et puis deux sorties chez Delcourt encore demain mercredi. Le tome 9 de Tony Chu par John Neman et Rob Guillory pour 15,95€. Vous savez, un Tony Chu détective cannibale, cette série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, que je lis en VO chez Image. Voilà, que je vous recommande chaudement. Donc n'hésitez pas. Donc là c'est le 9e tome, mais chez Delcourt tout est disponible. Et puis vous avez une nouvelle série qui débarque, c'est la série Nowhere Men. Le tome 1 sort demain pour 17,95€. Une histoire autour de d'un groupe de scientifiques surdoués. Qui ont fait des découvertes vraiment très importantes, mais voilà, on va s'apercevoir que une expérience a peut-être dérapé et que voilà, quand on a envie d'atteindre le progrès, de faire avancer la science et de également peut-être ramasser de l'argent au passage, il y a quelqu'un qui paye le prix de tout ça, il y a des dégâts qui sont faits et voilà, qui s'en occupe et qui paye le prix. Voilà, c'est un peu le concept de cette série Nowhere Men. Et puis il y a une sortie qui nous a marqué vendredi, Byron. Oui, c'est la sortie du Marvel Saga hors série numéro 3, qui sera consacrée aux Inhumans. Donc c'est le début de la nouvelle série Inhumans, qui a été écrite par Charles Soule et associé à Joe Madureira. Mais à savoir qu'il a eu beaucoup de retard, et donc il a été remplacé par la suite par Ryan Stegman, qui était le dessinateur de Superior Spider-Man. Ouais, qu'on n'a pas perdu au change, hein, que ce soit au niveau du rythme et de la qualité. Non, franchement, non. Franchement, c'est dommage, parce que... Marvel mettait vraiment beaucoup pour les Inhumans, et du coup avec Madureira il y a eu énormément de retard. Et ça a complètement merdé, c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, franchement, c'est vraiment bien dessiné et tout, et enfin Madureira quoi. Donc, ouais. On va souligner la bonne idée de Panini de le sortir en kiosque, parce que du coup on obtient un bouquin 6 épisodes, 128 pages, 5,70€. Les Inhumains sont en vogue en ce moment du côté du cinématique univers de Marvel, donc voilà, c'est l'occasion de découvrir cet univers à vraiment moindre coût, et en plus c'est sympa, donc il y a peu de quoi s'en priver. Allez, on va passer aux news VO maintenant, et on va commencer avec les news concernant Marvel, et on va parler des ventes du mois de mars, qui sont tombées la semaine dernière. Pourquoi c'est dans le bloc Marvel? Simplement parce que Marvel Comics écrase tout sur son passage au mois de mars. 41% des comics vendus étaient des comics Marvel, 39% des dollars dépensés sont revenus dans la poche de Marvel au mois de mars. DC Comics se contente de 26% des unités et 23% du chiffre d'affaires. Et ce qui est marquant sur ce mois-là, c'est la très très grande forme d'Image Comics qui atteint un niveau impressionnant, parce qu'ils sont à 13% des unités et 11,5% du chiffre d'affaires en dollars. Donc Image Comics qui de mois en mois grimpe. Alors certes, ça grimpe doucement, mais voilà, 13% c'est quand même, voilà, on est quand même en face d'un éditeur qui pèse de plus en plus dans le marché. Quand je vous disais que Marvel écrase tout, bah oui, Marvel écrase tout, parce que sur le top 10 des singles, il y a 9 singles Marvel. Princess Leia est en tête, le numéro 1, suivi de Star Wars numéro 3 et de Guardians Team Up le numéro 1 pour compléter le podium. A noter Howard the Duck, le premier numéro est 7ème. Et puis Darth Vader est toujours dans le top, etc. Le seul titre DC qui soit dans le top 10, c'est Batman Arkham Knight, donc dérivé du jeu vidéo, le numéro 1. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis le début des New 52, la série Batman n'est pas dans le top 10. C'est quand même voilà, quelque chose d'assez important qui s'est passé en mars au niveau des ventes. Mars, ça correspondait l'arc actuel, il avait commencé on déjà? est toujours dans Endgame, oui. Ouais, toujours, ouais. Ouais, donc... Donc voilà, c'est dire si Marvel a vendu des brouettes de comics pour se permettre de non seulement placer 9 titres dans le top 10, et en plus, Batman ne figure même pas dans ce classement. Après, c'est quand même beaucoup de numéro 1, Il y et a bon, beaucoup de après, numéro, il Star y a beaucoup de Wars... numéro 1 et de Star Wars. Hein. C'est sûr, Ouais, voilà, si on enlève Star Wars, déjà Star Wars, il y a Princesse Leia. Il y a 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a 4 titres Star Wars déjà sur les 9. Donc, forcément, et puis le reste, c'est des numéros 1 ou des numéros 2. C'est sûr que c'est une stratégie qui paye en tout cas. Et puis du Ouais, côté c'est... des TPB, voilà, la rengaine habituelle, beaucoup d'indés. Quand même, Marvel réussit à placer des titres, mais voilà, pas de. Voilà, c'est Nemo River of Ghosts en hardcover chez IDW qui prend la première place. Puis pour le reste, du Miss Marvel, du Hawkeye, du Saga, enfin voilà, des trucs classiques. Voilà pour les ventes du mois de mars. À voir si en avril, DC avec Convergence réussit à relever la tête ou si la plongée va se confirmer. Ça sera intéressant. Et puis Byron, Marvel a annoncé le thème de ses variantes cover pour le mois de juin. Oui, puisque ce sera le thème de Gwen Stacy, qui est... Donc on va retrouver du coup Gwen qui a eu très récemment sa série Spider-Gwen. Elle sera le thème principal du coup de ce mois de juin, et on va la retrouver sur de nombreuses covers, et dans lesquelles elle prendra la place des héros, c'est-à-dire que elle prendra par exemple la place de Wolverine. Enfin, elle aura le costume de Wolverine sur la série Wolverine, ouais, qui sera renommée, pardon, Gwenverine, et qui est dessinée par Chris Samnee, qui est vraiment plutôt jolie. Et ouais, elle va faire à peu près le tour d'à peu Tout, près va faire un toutes les peu séries, tous les quoi. rôles, voilà, c'est ça. Donc voilà, bah, il surfe sur Gwen Stacy, hein. Pourquoi Logique, pas? hein, Bah, vu je les. pense que ouais, comme la série comment marche, enfin, je pense, ouais, j'ai Oui, entendu ça qu'elle marche, marchait quand même. c'est dans le top 10 des Donc, ventes, donc. ouais, du coup, je pense qu'ils en profitent. C'est ça. Et puis, une seule news du côté de chez DC, on le sait, hein, chez DC c'est très calme à cause de leur déménagement de New York vers Burbank. Et cette semaine, DC a officiellement dit au revoir à New York sur Twitter, et Marvel leur a répondu. Avec un magnifique gif animé de Rocket Raccoon version cinéma qui pleure, tout simplement. Ça fait beaucoup rire, toi Arnaud. Oui, Parce que effectivement. toi tu vois un troll. Oui, je pense, enfin, un troll gentil quand même, mais connaissant Marvel, je pense une petite blague, un petit peu d'humour quand même, ils en ont souvent. Ouais. Oui, donc de toute façon, il y a deux écoles hein, concernant ce tweet. Hein. Est-ce que c'est un troll de Marvel qui en profite au passage pour dire au revoir à DC, mais voilà, on est débarrassé, et puis rappeler au passage quand même que. Enfin, Rocket Raccoon, c'est quand même un symbole hein, aussi du personnage qu'on a, enfin, qui revient un peu de nulle part, et que grâce au cinéma, enfin voilà, il y a aussi toute la machine Marvel qui est derrière ce symbole de Rocket Raccoon. Donc il y a cette école du troll, et puis il y a l'école qui pense que Marvel était sincère, et pensait. Enfin voilà, et disait vraiment sincèrement au revoir à DC, et que c'était une histoire de New York qui s'arrêtait, et voilà. Donc. Voilà, en tout cas, ils ont répondu, c'est un beau geste, on va dire. Et ben c'est tout pour les news VO cette semaine. On va donc passer à la sélection parmi les sorties VO de demain. Le troisième numéro de 8, donc c'est une mini-série en 5 épisodes hein, qui sort chez Dark Horse par Raphaël Albuquerque. Le troisième numéro donc va sortir demain. Donc on arrive au milieu de cette mini-série qui est toujours aussi sympa avec le numéro 2. Donc bah, évidemment, j'irai voir ce numéro 3. Et puis Byron, toi. Oui, bah alors moi je me suis plus intéressé à Convergence numéro 2, qui est donc le grand event de DC, Ouais. qui leur sert, comme on l'a dit précédemment, principalement un peu de bouche-trou pendant que ils déménagent leurs locaux. Et donc il sera toujours écrit par Jeff King et dessiné par Carlo Pagulayan. Et la cover sera signée par Ivan Reis. Deuxième numéro de Chrononauts, cette semaine également, la mini-série de Mark Millar, qui sortira donc demain. Mini-série dont forcément vous entendrez reparler, hein, puisque comme tout comics de Mark Millar, ça sera adapté au cinéma prochainement. Les dessins sont toujours de Sean Murphy. Le premier numéro était très sympa, donc à voir si ça se confirme dans le numéro 2. Et puis Arnaud, une nouvelle série chez Image. Ouais, Run Love Kill de Eric Canetz. Et donc, c'est l'histoire d'une assassin et fugitive qui s'appelle Rain Oshiro et qui est en fait poursuivie par, qui est recherchée par des éléments, disons, violents de son passé. Et elle a juste 24 heures pour quitter une ville barricadée, complètement en lockdown. Et elle va essayer de s'échapper de cette ville en 24 heures, tout en essayant d'échapper à des militaires qui essayent de la capturer ou de la tuer. Voilà, c'est morte ou vive. Bah voilà pour les singles de la semaine. Bah, enfin, on va se l'avouer, hein, il n'y a pas quand même grand-chose qui nous a fait rêver dans les sorties. Et puis du côté des TP et des recueils, ben, on va noter quand même Shazam, Celebration of 75 Years, donc les 75 ans de Shazam qui sont célébrés dans ce hardcover, qui reprend tout simplement le concept, hein, des anthologies urbaines. DC regardait avec beaucoup d'attention quand Urban avait sorti sa première anthologie, DC Comics Anthology, et puis les autres. Et finalement, voyant que ça marche et voyant la qualité de ses bouquins, bah, DC a emboîté le pas à Urban. C'est quand même quelque chose qui est à noter. C'est l'éditeur français qui a impacté la manière de faire de Urban, de DC, qui a depuis sorti plein d'anthologies, dont une qui était exactement une réplique de l'anthologie d'Urban. Je crois que c'est celle sur Batman, mais je suis pas sûr. Et donc du coup bah voilà, ils en ont sorti plein, enfin voilà, beaucoup depuis, et là donc c'est celle sur les 75 ans de Shazam qui sort cette semaine. Donc c'est quelque chose qui fait à peu près 400 pages et qu'on peut trouver voilà, $39, donc pour une trentaine d'euros sur Amazon, des trucs comme ça, un peu les gros sites de vente internationales. Pourquoi pas. Cette nouvelle anthologie donc qui sort chez DC, et puis c'est tout du côté des TP et des recueils pour cette semaine, qui est décidément une petite semaine au niveau des sorties. On a donc terminé le programme de ce mag. Le temps de vous donner les prochains rendez-vous. Tout d'abord, ce soir mardi à 18h sur Pod Radio Canal Alpha, comme chaque mardi, vous retrouverez la Padawan édition consacrée au Joker, donc la Padawan édition du week-end dernier, qui revient sur les 75 ans d'histoire du Joker. Jeudi, on se retrouve pour le 11e numéro de Sur nos écrans, avec l'actu ciné-télé et le débrief de la semaine qui sera un bilan de la saison 5 de The Walking Dead. Ne vous inquiétez pas, Daredevil arrive juste après. Oh putain, ça va mieux, moi. Ce week-end, on terminera le programme des podcasts avec une Padawan édition qui, on vous l'a annoncé tout à l'heure, sera consacrée à Lazarus, le tome 1 qui est sorti chez Glénat Comics. Et puis évidemment, on se retrouve mardi prochain pour le 12e numéro du mag. Ne manquez pas également cette semaine tous les tests de nos testeurs de comics qui ont testé pour vous les tomes qui sortent chez Glénat Comics, donc Drifter, Lazarus, Sex Criminals et Fable qui sort la semaine prochaine, ne l'oublions pas. Donc voilà, vous trouvez tous les jours un nouveau test de la part des testeurs, et puis également les reviews de la série Daredevil qui se poursuivent. Voilà, donc à la semaine prochaine, ou à jeudi si vous écoutez tous nos podcasts. D'ici là, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Salut, salut.